18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Convergence sur les ondes de Croc Radio. Comme vous le savez, Convergence est une émission où on passe un peu tout, de tout style de musique, mais surtout du côté underground. Et aujourd'hui, on modifie un petit peu, on va vous faire écouter, faire surtout découvrir le grand Zajaza, qui va nous faire un petit scratch avec de la bonne musique, vous allez bien kiffer. Avant toute chose, je vais vous présenter et après vous allez juste kiffer son mix. Alors salut à toi, bienvenue. Salut, ouais, merci, hein. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Je t'en prie, alors on a notre poteau qui va te présenter, qui va poser différentes questions, donc allez-y, je vous laisse kiffer. Notre poteau, c'est qui ça? Je crois que c'est toi. Ah ouais, putain, damn. Bienvenue dans les locaux, c'est un plaisir de t'avoir. Également. Vraiment. Zajaza, donc t'es musicien, producteur, DJ, beatmaker, tu touches à beaucoup de choses. Ouais, j'aime bien varier les plaisirs. Ouais. Tout est lié. Hein. Mais j'aime bien varier les plaisirs, comme ça on s'ennuie jamais. C'est top. Et d'où te vient cette passion pour la musique? J'ai toujours eu ça, je dirais que ça a commencé avec le basket. J'étais au club de basket de Vienne. Wow. J'étais déjà un petit peu mélomane et vers les 10-11 ans, on a été voir un match des pros. À l'époque, ça jouait vraiment bien à Vienne. Et pendant l'échauffement, ça écoutait du. Ils avaient une cassette en fait qui faisait tourner. Il y avait du Dr. Dre, il y avait le premier album d'MC Solar. Yeah. Il y avait plein de trucs qui m'ont vraiment vraiment marqué quand j'ai écouté cette musique pendant leur échauffement. J'étais là, c'est quoi ce truc? et là après je suis tombé dedans mais comme un malade, en fan et en auditeur quoi. Ouais. Et puis petit à petit après j'ai commencé à triper sur des claviers, sur des synthétiseurs, sur l'ordinateur de la maison avec la RAM qu'on avait à l'époque. Là, on parle de quel âge à peu près? Parce que donc 10-11 ans. Ouais, 10-11 ans, c'est quand j'ai découvert. Ouais. Ensuite, il y avait un clavier à la maison avec un séquenceur. Ça, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Waouh, t'as commencé sacrément tôt. Hein. Ouais, après, on va peut-être pas écouter ce qu'on faisait à cette époque-là, mais. Mais ouais, j'étais déjà en train de me dire mais comment on fait pour créer une batterie, etc. quoi. Okay. J'ai eu quelques notions de solfège quand j'étais petit. Mm-hmm. J'ai pas vraiment tenu parce que je préférais être dehors que À l'intérieur au studio, devant l'écran. Ouais. Non, je veux dire les cours de solfège. Ah ouais. J'ai commencé petit, mais c'était pas ludique. Je me suis dit je préfère aller dehors avec mes potes. C'est super dur, ouais. J'ai skip pas mal de cours de solfège. Hein. Je préférais aller jouer au foot. Ouais, exactement. Non, mais intéressant, hein, parce que la plupart du temps, on s'y met un peu vers 16-17 ans à la production. T'as commencé quand même bientôt, ouais. J'ai commencé assez tôt, et puis après, il y avait mon cousin plus âgé qui avait des platines vinyle. Il y avait quelqu'un d'ailleurs de Vienne là, qui avait des platines vinyle ici à Vienne, c'est Flavien, qui faisait partie pendant un temps des Scratch Bandit Crew, etc. Et je me suis toujours dit, non mais un jour, il faut absolument que j'ai des platines. Donc dès que j'ai eu un petit peu d'argent de poche, on s'est mis à deux, on a acheté une platine chacun avec un pote. Mmh. Et ça, je devais avoir 18 ans. Ouais. 18 ans, et puis après, on s'entraîne, on mixe pour les potes, on mixe entre nous. Et puis à un moment, on se dit, mais tiens, mais pourquoi pas mixer dehors, quoi, en face d'un public, moment, quoi. Ouais, clairement. C'est un peu le graal des platines, on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est quelque chose qui coûte vraiment cher, et pareil pour le matos pour produire aussi. Ouais, ce qui est bien, c'est que ça devient de plus en plus accessible. Donc là, maintenant, on peut faire de la musique avec un iPad. C'est ça. Il y a des contrôleurs qui sont un peu moins chers que d'acheter des platines vinyles. Ouais. Donc ça c'est cool, on peut c'est ça. Tout le monde peut tester et tout, c'est cool. Et du coup on peut lire sur ta bio Indiana Jones des platines. T'es plutôt un grand badouilleur, enfin c'est ça. Ouais, j'ai pas mal voyagé à partir de mes 21 ans. J'ai vécu dans pas mal de pays pour les études, bah pour les langues notamment, parce que j'avais fait des études un peu de langue. Et donc je me suis retrouvé à vivre au Chili pendant mes études, au Portugal. Wow. Ensuite j'ai vécu au Brésil. D'accord. Pendant 2 ans. Et ensuite j'ai vécu aux États-Unis, au Moyen-Orient. Ouais, j'ai d'accord. Un peu vadrouillé. Ouais, t'as vadrouillé en fait, ouais. comme on peut dire. Ouais. C'est clair, ok. Et sur scène, du coup, t'as mixé avec Master Mike, Qbert ou Andy Smith. T'as des anecdotes un peu par rapport à leur style de mix. Est-ce que t'as vu des artistes qui t'ont donné encore plus envie de continuer ou je sais pas, est-ce que t'as vraiment vu des gens qui étaient dédicats, enfin, je vais dire dedicated, mais ouais. Bon, en français ça se dit pas tellement, mais voilà, enfin, vraiment des artistes qui t'ont donné de l'inspiration, quoi. Ah bah, complètement. Déjà, ces noms-là, là, c'est j'ai, on va dire, j'ai grandi un petit peu avec. En regardant des VHS de ces mecs-là, c'est un peu les pionniers du scratch et. Très novateurs, très libres dans ce qu'ils font, ils sont vraiment touche à tout. Et j'ai eu la chance d'être booké en première partie de ces mecs-là ou après eux. Et après c'est marrant parce que quand on se retrouve sur scène en fait, ou alors en backstage, etc. Généralement, je suis pas vraiment quelqu'un de timide, je suis plutôt sociable, etc. Avec ces personnes-là, il y a l'aspect fan et je les vois, je dis bonjour, mais je suis complètement bloqué. Ouais, ça y est, ça. J'aime trop ce que tu fais. Il y a la pression. Ouais. Après, j'arrive plus à parler. Mmh. Et il y avait des trucs marrants. Bah, ma première grosse scène, c'était au Brésil, c'était en 2008. D'accord. En fait, je commençais à être pas mal en scratch, etc. Je m'entraînais avec un ancien champion du Brésil de scratch, etc. Et là, il y avait un organisateur de soirée qui m'avait vu et qui m'avait mis en première partie d'un groupe qui s'appelle Orapa au Brésil. D'accord. C'est un groupe très, très, très, très gros au Brésil de reggae, hip-hop. Il y a même un peu de rock dans leur musique. D'accord. Et ça rameute vraiment, vraiment les foules. Nice. Et je me suis retrouvé à mixer en première partie de ce groupe-là devant 6000 personnes. Waouh! Dans un espèce de stade. Donc, t'avais les arènes à gauche, à droite, à machin. Le macaran. Ouais, non, quand même pas, mais je me suis retrouvé à mixer la tête baissée pendant 1 heure. parce que c'était trop impressionnant, quoi. Et à la fin, j'ai levé la tête et tout ça. Et puis là, a priori, ils ont bien apprécié mon set. Il y a 6000 personnes, ou du moins une bonne partie, qui a commencé à crier. Et là, ouais, c'était impressionnant. Oh, ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est chouette de pouvoir partager la scène avec des artistes comme ça, parce que tu te retrouves face à leur public. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu as la chance de t'exprimer face à eux. Et ça met la pression, mais c'est une bonne pression. On a un peu l'impression de prendre de leur identité aussi, du coup. Ouais, c'est ça, d'arriver sur leur lieu. Dans leur univers, bien sûr. Ouais, on est invité, on va dire. On est invité dans leur maison, entre guillemets. Et pour des artistes qu'on suit et qu'on admire, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment ce qui est top aussi, genre de pouvoir partager leur scène alors qu'on les suit depuis autant de temps, quoi. Et qu'on les voit juste en vidéo, en set ou en écoute. Ouais. Et la plupart de ces mecs-là, ouais, super cool. Et j'ai très peu vu d'artistes de renommée comme ça qui te prennent de haut ou tu te dis, tiens, mais c'est un bon artiste, mais par contre, humainement, je passerai peut-être pas le week-end avec. J'ai plutôt mais là, non, ouais, vraiment, c'était vraiment, vraiment bien. Ouais. Ok, d'accord, mais cool. Et donc, du coup, depuis 2010, t'as réalisé des albums, compositions, des compilations aussi avec. Des artistes de multiples ethnies, jusqu'à devenir champion DJ du Moyen-Orient en 2014. Alors là, on passe du Brésil à Moyen-Orient, champion. Ouais, c'est marrant. En fait, la vie a fait que j'ai été vivre à Dubaï pendant 3 ans. D'accord. Pour suivre ma copine. Okay. Et je suis arrivé sur place. J'ai commencé à chercher des dates, des machins, et honnêtement, je me prenais que des portes, ou du moins, de manière, j'étais complètement inconnu là-bas. Hein. Ouais. Et 2 mois après mon arrivée, il y avait le championnat de DJ du Moyen-Orient. D'accord. J'étais pas du tout au courant. Et une semaine avant, je suis dans une école de DJ parce que j'essaie de postuler pour donner des cours, etc. Mm-hmm. Et ils me disent ouais, mais t'es bon, c'est cool, machin. Bah participe à la compétition. Ah ouais, quelle compétition? Bah celle-ci. Ah ouais, ok, mortel. Mm-hmm. Donc là, j'ai bossé comme un malade pendant une semaine. Ouais. J'ai jamais autant taffé de ma vie. Je devais dormir 5 heures par nuit et bosser, ouais, wow, 14 heures sur les platines. D'accord. Pour présenter le meilleur de moi-même, parce que généralement, ouais, genre de compétition, faut se préparer bien 4-5 mois à l'avance, tranquille. Ouais. Ouais. Et là, bah là, j'avais une semaine, quoi. Waouh. Et j'ai gagné. Damn. Et c'était cool, ouais. En fait, tout de suite, ça m'a donné du boulot. Tout de suite, j'ai eu pas mal de dates au Moyen-Orient, dans les pays voisins, la Jordanie, l'Égypte, Oman. Donc, ouais, ça, c'était vraiment la chance, quoi. Ouais. Le karma qui a fait le coup que, du destin, ok, tu te retrouves, ouais, là, ça va être chaud pour toi parce que personne te connaît. Et ouais, si tu veux continuer dans la musique, bah bonne chance. Ouais. Et puis boum, il y a eu la compétition et je l'ai gagné. Et là, là ça m'a. Ça t'a libéré, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Puis grâce à ça, j'ai découvert des artistes. Des cultures aussi, et des. Ouais, des artistes. Ouais, bien sûr, carrément. En allant en Jordanie, j'ai découvert des super artistes. En Égypte, j'ai eu une résidence DJ jusqu'à il n'y a pas longtemps. Waouh! Donc j'allais au Cairo Jazz Club une fois par mois, en fait. Énorme! Ouais. Et c'était grâce à ça, en fait. C'est grâce à ce truc-là. Wow. Donc je regrette pas cette semaine de malade à m'entraîner comme un psychopathe. Intense. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était vraiment génial. Ouais, et c'est assez original quand même de mettre dans ta bio vraiment, champion vraiment de scratch du Moyen-Orient. Okay. Pourquoi ça, pas, ouais. Surtout après être parti en Amérique du Sud, ouais, en partant de France. Ouais, là, c'est vraiment un trajet vraiment pas atypique. Non, complètement. C'est clair. Ok, et donc du coup, t'es aussi le fondateur de deux concepts intitulés Jazz Cuisine. Ah, j'arrive plus à parler français, moi. Jazz Cuisine et Sampling is Beautiful. Ça consiste à quoi? Alors, Jazz Cuisine, c'est une soirée qu'on fait une fois par mois à Lyon, à d'accord, la Grouverie, le premier samedi du mois. Mm-hmm. Et en fait, je m'en suis servi comme laboratoire pour tester des choses, par exemple DJ, musicien, mm-hmm, faire monter un groupe de rap avec un groupe de jazz, des choses comme ça. C'est et sympa. Là maintenant on a testé un concept où on a vraiment vraiment kiffé. C'est en fait on fait une espèce de challenge de beatmaker. Mm-hmm. Donc tu arrives sur scène avec ta machine et le public choisit un sample pour toi. Il y a 6 catégories de samples, il y a samples de musique française de variété, il y a soul, funk, etc. Et ensuite, tu as 15 minutes pour proposer un remix. Donc, tu bosses au casque pendant 15 minutes et tu proposes un remix. Et il y a 3 beatmakers qui tournent. Et tout est basé sur le côté ludique et humour du truc. Entre chaque passage, moi, je présente un peu le sampleur, je fais monter les gens sur scène pour qu'ils le testent, etc. Mmh. Donc ça, c'est Jazz Cuisine. D'accord. Et Sampling is Beautiful, en fait, ça, c'est un concept qui est né il y a 2 ans au Jazz à Vienne, où en fait je me disais tiens, la programmation elle est vraiment mortelle, et si je faisais un remix par jour d'un des artistes qui joue au Jazz à Vienne. Mm-hmm. Donc j'étais chez moi avec une GoPro en mode ouais bonjour salut, un peu en mode youtubeur, ouais, pour expliquer comment j'allais aborder ce remix. Et c'était vraiment des do it yourself, quoi, vraiment, ouais, le truc roots, la manière dont c'était filmé, il y avait un landau derrière, enfin bref, ouais. Et les vidéos, elles ont pas mal tourné. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé à Lyon, il y a le Périscope, une salle de concert qui m'a appelé, ouais, qui m'a dit « Écoute, tes vidéos là sont bien mortelles. Est-ce que ça te dirait de faire ça une fois par mois pour le Périscope ?» Où tu samples la programmation du Périscope en présentant les artistes qui vont jouer. D'accord. Et tu proposes un remix de tous ces artistes. Okay. Pas tous, mais j'en choisis 3. Ouais. Donc je dis « Tiens, bah, je vais choper le solo de basse du mec qui joue le 11 mars. » Il y a un trompettiste qui vient le 23 mars, je vais prendre le solo qui est là, je vais l'ajouter sur la basse. Et là, il y a tel batteur et je vais sélectionner un solo de batterie, pareil dans un de ses disques, et ensuite j'en fais un seul morceau. Et c'est cool, on se marre vraiment bien à faire ça. Et là, on est en train de proposer ça à plusieurs festivals de jazz ou de musique en général. Ouais. En mode, bah, si vous voulez, on vient 2 mois avant dans votre festival. On fait une présentation de votre programmation, mais de manière originale, de manière un peu artistique, quoi. D'accord. Donc ça, c'est Sampling is Beautiful. Ok, ouais. Génial. En format vidéo, ouais. Ok, d'accord. Et bah, du coup, pour finir, et bah, avant que tu nous regardes les oreilles, bien évidemment, quelles sont les dates où on peut te voir jouer prochainement? Alors là, je vais faire du Sampling is Beautiful en mode atelier à la MJC de Rieux le 29 octobre. D'accord. Je fais la même chose au Périscope le 23 avec un concert participatif. Donc autour du sampling, on fait monter les gens sur scène, on explique un peu ce que c'est que de mettre en boucle des choses et de rajouter une batterie, etc. J'ai la Jazz Cuisine dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est le samedi 2 novembre. D'accord. Et ensuite, ensuite, je sais plus. C'est dans d'autres villes. C'est plutôt. Après, je crois que je bouge à Marseille, peut-être, à La Rochelle. Ouais. C'est en devenir, quoi. De toute façon, mais ça, c'est les dates proches, quoi. Il y a les infos sur ta page. Ouais, ouais, exactement. On peut te suivre. Ouais, exactement. Ok, sur la page Zadjaza, du coup. Eh bah, nickel. Eh bah, comme ça, bon, maintenant, on va t'écouter. Tu vas nous régaler un petit peu. C'était un plaisir. Ouais, merci à toi, également. Effectivement. Donc, là, tu vas juste faire kiffer. Les amis, on te laisse venir derrière les platines, juste profiter. Allez, et puis c'est voilà. Allez, vas-y. Merci allez, à vous. Fais-nous kiffer. En tout cas, vous avez compris, chers auditeurs donc de Convergence et de Croc Radio, aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel, Zadjaza. On n'est plus sur de la techno, on n'est plus sur de la house, on est sur du scratch et vous allez juste en prendre plein les oreilles. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse kiffer. On vous embrasse, les amis, on vous dit à tout à l'heure pour les bons plans et tout. Voilà. Enjoy. comme un zoo qui parte serre un peu, sem aquela de chorido por amor. Mais que parte serre un peu, sem aquela de chorido por amor. Thank you. chaveiro é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Em seus métodos descalma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero é contra a calma, é. E sem ter calma nada você vai encontrar. A vida em seus métodos descalma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus Pai Criador criou com calma, e em sete dias muita calma demonstrou. Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paga. No corre, corre, no desespero o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso. Nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Também falei, calma e silêncio na igreja. E senhora Munilde quer que haja calma. Olha as menininhas, manhas, maçãs e maranhas, e muita calma, é macete. We'll be right back. keep running away till you find yourself alone. There are many directions that your guide light is shown. Now don't turn away and make it on your own. It's a passion and pain, keeps your heart running strong. Can't you feel it coming and you know it's best to you? May not understand it, but the feeling can't be. If you had love now, it may be gone for good. Open up your heart now, child, you really know you should. Bye. nobody to give me nothing. Open, to give me nothing. Open up the door. Open up the door. I'll get it myself. I don't give me integration. Give me true communication. I don't give me sorrow. I want equal opportunity to live tomorrow. Give me schools and give me better books so I can read about myself and gain my truer looks. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door. Do you hear me now? Now I don't want nobody. Give me nothing. Open up the door. I'll get it myself. Et ouais les amis, c'est toujours Zadjaza qui est en live. Ah putain, vous kiffez, ça c'est bon. Et mais du coup, on va faire un tout petit break avec toujours notre poteau tout à l'heure. Bah Kevin, c'est toi qui veux faire l'agenda, je crois. C'est ça, les fameux poteaux. Alors du coup, on va enchaîner avec l'agenda. Bah désolé encore pour la prononciation de certains artistes. Hein. Je suis vraiment désolé à ce niveau-là. On fera avec. On fera avec, hein. Alors samedi, donc ce soir, on a la Trauma Residency au Bellona. Donc ça sera de minuit à 6h. On aura également du coup Papa Maman au petit salon avec Yuni, Sacha Mambo et Cole Super de 23h à 6h du matin. On aura aussi la Happiness Therapy au terminal avec Zapstan et Crowd Control de minuit à 7h du matin. Il y a des choses qui finissent tard ce week-end, il y a beaucoup de choses à faire en tout cas. On aura aussi Your House is Your House Beast to Fly avec Myrdin. Ou Levi, ça dépend un peu s'il joue House et Techno de 21h à 1h. On l'avait eu en émission d'ailleurs, dans la dernière saison d'ailleurs. Exactement. Super set. On aura aussi demain Avalon Emerson avec Up Sammy au sucre de 17h à 23h. Donc ça c'est pour ce week-end. Si jamais vraiment vous trouvez pas quoi faire, je pense que vous avez vraiment beaucoup de soirées très très cool sur la région lyonnaise. On aura aussi vendredi prochain l'anniversaire de Freddy, ou Mr. Freddy, qu'on avait aussi fait une collaboration d'ailleurs pour une soirée très sympa. Donc ça sera Bistoufly de 21h à 3h, Guy Borato, Bellona de minuit à 5h, et Jungle avec Lofty au sucre de 23h à 5h également. Et au Delirium, la 16e soirée avec Gravity au chaos de minuit à 6h du matin. Ça sera tout pour l'agenda. Et sur ce, bah, on va continuer avec notre ami du soir, Zadjaza, qui nous fait un super set. Et on espère que vous allez passer un très bon moment sur l'écoute de Convergence et de Croix Radio. We'll be right back. No flats, hard fresh, best of the best. Need no swag, cause we got finesse. Eagle eye, bring on them falcon crests. Vulture vex, dark phoenix, do a hex. They go for perfect, double cross for a check. Pen ultimate, the last respect. Ebony jet, fences, double deck. Four track flex, now strength the body set. Metropolitan polish of a revolver. Bill Butcher black and attack body armor. Make law like farmer. All time great like the Viking Chris Carter. Best in hand, Holy Palmer. Only while others do charter. Live through trauma. Criminal curse, type horror. Walls of Sparta, strong thought karma. Spirit like 76. Church Holy Ghost, Bill Reed up on the Knicks. Nickel bag of funk, black fist up on my pick. No soul blow, happy nephew true. Who's best trick, then ice can hat trick. Men's wounds drive, no delicate Patrick. Get that line of shade, don't settle for catnip. Pay my dues, receipt, I cash it. Acid, flashback, rap, we mass it. Hypnotize, frowns, we spell passage. Point, no, Capricorn! Thank you. vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que em Passagada, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem a qualité do exterior. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que em Passagada, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem a qualité do exterior. Embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. J'espère que vous avez kiffé ce moment parce que nous on a vraiment vraiment vraiment kiffé. Je propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre ami. Merci à toi, merci vraiment, merci. J'espère que tu as vraiment kiffé toi aussi de passer t'éclater avec nous. Voilà, donc retrouvez ça bien évidemment, l'émission podcastée sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous voulez. Et voilà, on vous embrasse, on vous laisse avec le groupe. C'est quoi un podcast ? Et merci à vous. Bisous, bisous à tous. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.